Bienvenue très chers auditeurs à ce 10e épisode de Geekorama. Mon nom est Daniel Vaillancourt et je suis accompagné de Dominique Jean. Bonne écoute. Hey! Hey, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ben, vous, je ne sais pas, mais moi, je vais bien. Normal aussi. Hey, salut, Dom. Salut, Dom. Hey, vous autres, vous ne le savez pas, mais ça fait comme 8 fois qu'on... Ouais. En fait, c'est la deuxième fois qu'on fait cet épisode-là, puis je viens comme de moffer l'intro 3 fois. En tout cas, c'était tout beau. Dan a dit des beaux mots, là. Commence par C qui finit par S. Oui, oui, oui. Ben, on s'est dit qu'on a... Peut-être fallait, il aurait peut-être fallu garder ça comme spoiler. C'était vraiment là, ouais. Spoiler. Comme bloopers. Hey, hein, on est fatigué, ouais. Mais on est motivé. Oui, oui, bon, oui. Là, en partant, il y a sûrement d'entre vous, des auditeurs qui vont dire « Ouais, mais là, Dan, t'as dit que t'allais faire l'épisode là, sur c'est un vrai, RPG. » C'est vrai, c'est vrai. Puis que t'allais faire ça. Puis effectivement, vous avez raison, je tiens pas mes promesses. Sauf que la raison est que, dans le fond, nous autres, on voulait faire un épisode spécial. Mais moi puis Dom, on s'est vus hier, puis on n'a pas eu le temps vraiment de préparer ça. On était serré dans le temps aussi. Ouais, puis il aurait fallu se voir avant. Hier, en tout cas, bref, la raison pourquoi qu'on l'a pas fait aujourd'hui, c'est qu'on voulait vraiment vous donner un épisode de qualité. C'est-à-dire que je voulais prendre le temps de faire mes recherches. Il y avait des jeux que je voulais jouer un peu, je voulais essayer, voir avant de vous en parler. Comme ça, pour vraiment vous donner un épisode de qualité, c'est mon but. Moi, si j'écouterais un épisode en hommage à Secret of Mana, j'aimerais ça que les gars soient informés, qu'ils connaissent le stock, puis que ça aille bien. Ben, c'est mon but. Fait que moi, je veux vous donner ce que j'aimerais avoir, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a décidé de faire un épisode qui sera pas mauvais, qui va être très bon. Short and sweet. Puis ça va vous faire patienter depuis ce temps-là, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment du bon stock, puis j'ai très hâte de le partager avec vous autres. Fait que, regarde, on va commencer tout de go, dans le fond, avec les jeux qu'on a joués. Cette semaine, tu y vas, j'y vais. Ouais, je vais y aller. Ok. J'ai passé Outlast. Ah oui. Ah boy. Sérieux, c'est pour tous ceux-là qui aiment les jeux d'horreur puis qui veulent jouer à ça, ben attelez-vous parce que c'est quelque chose. Ah, c'était peur, hein? C'est quelque chose. Mais ce qui est bien avec ça, c'est que c'est fait à Montréal. Oui. C'est cool. Bonne chose. Puis c'est un ouais. Christy de. Puis écoute, les graphiques, j'ai vraiment été surpris aussi. C'est pas juste un. Je sais pas comment dire ça. Ah non, c'est pas juste un shooter ou c'est pas juste un espèce de, ouais, c'est de jeu qui est fade, que rien, non, c'est la qualité là. Tu sais qui est le fun, c'est que tu sais, bien souvent les jeux à la première personne, quand tu te regardes en bas de toi, tu vois pas ton corps, t'as toujours l'impression que c'est juste deux bras pis une tête qui bouge pis un gun. Mais là-dedans, tu vois vraiment t'as tout ton corps, puis même quand tu t'accroupis, tu vois comme ta main gauche qui rampe à, pis tes genoux qui Ouais. Là, puis tu vois, tu tiens la caméra de ta main droite. Fait que non, c'est tout qu'un jeu, c'est vraiment épeurant. Ça m'a pris environ, je pense, 7 heures, enfin, environ. Ouais, c'est quand même, pour le prix, c'est bon. Je pense qu'il est à 20$. Il est à 20$, puis celui qui l'avait précommandé, je pense qu'il sauvait 20%. Ça, c'était 16$. Ah, ça vaut tellement la peine. Ouais. Tu sais, des bons jeux d'horreur. C'est le fun d'en avoir un bon comme ça, puis surtout qu'il est fait chez nous. Fait que, tu sais, c'est le fun de les encourager. Puis je pense que les petits gars. Doivent être fiers de leur produit. Ah, ils ont parce fait que les critiques sont bonnes, puis non, vraiment. Puis, tu sais, je peux comprendre que le monde aime pas ça. C'est sûr, ça. La clientèle est. Ah oui, c'est pas tout le monde qui aime ça. C'est pas tout le monde qui aime ça, mais. Tu sais, moi, je trouve que de ce que j'ai vu, vraiment, je l'ai pas essayé encore, mais c'est dans mes objectifs, c'est dans mes. Dans ma mire de vue. Ouais. Dans ma mire de vue, je sais pas ce que ça se dit. Mais en tout cas, bref, je veux jouer à ça à un moment donné. Il y a aussi Amnesia, A Machine for Pigs, que j'aimerais essayer. C'est vraiment. C'était la semaine de l'horreur. Là, qui était. Alors, Amnesia, j'ai hâte aussi d'y jouer. Mais il paraît qu'il est pas autant. Il pourrait être le premier, en tout cas, à ce que j'ai lu. Mais, okay. Sinon, non, j'ai hâte de voir ça. Ouais. Fait que, non, c'est ça, c'est cool. Puis, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que le je sais qu'il y a Anthony Gravel qui a fait une très bonne critique sur le PD Légendaire. C'est rare que je plug. En tout cas, dans ce show-là, je vais essayer de plug. Oui, j'encourage le monde. Non, il a fait une critique de Outlast. Ah, ok, excuse. Donc, okay. Allez voir ça. Je l'ai vraiment trouvé intéressant. Ah, aller, puis, ça vaut à peine. Puis tout ça, des gars qui font vraiment de bonnes jobs. Puis il l'avait vraiment aimé. Là. Puis, sérieusement, je. Ouais, excuse. Ouais, tu te mets dans le noir avec des écouteurs, le son assez fort. Puis. c'est pas long que t'es immersé. Ah ouais, vraiment. Non, fait que... Ah, ben c'est cool. C'est vraiment cool. À part ça, y a-tu d'autres jeux que t'as joué? J'ai commencé Max Payne 3. Oh, t'as commencé Max Payne 3, nice. Vraiment bon. J'ai vraiment, comme beaucoup de monde disent, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est réputé, son style. T'as vraiment l'impression d'écouter un film. J'avoue, c'est vrai. Puis t'as tout le temps les espèces d'effets, là, dans... Comment je dirais ça? Les espèces d'effets, là, de spéciaux, là, tout le temps, une espèce de... Ouais, c'est dur à décrire. Ouais, c'est dur à décrire. Il essaie de te rentrer dans la peau du personnage comme si t'étais sous. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Prends tout le temps de l'alcool avec des pinkers. Sous. Puis vraiment, là, ça, Mané, ça m'a gossé à longue. Vers la fin, surtout, c'était pas nécessaire tout le long, je pense. Okay. Puis je sais que vers la fin, là, il est rendu moins pire, mais à Mané, j'aurais comme, tu sais, bon, c'est correct, j'ai compris que t'es sous, puis les effets de couleurs un peu saccadées. Là, à Mané, j'étais tanné. Puis des fois, il parle, puis t'as comme certains mots-clés qui sont affichés en haut de l'écran. Bon, je trouve ça original. Ça, ça ben, oui, totalement. Mais il est pas totalement facile, c'est normal, puis il est dur. Vraiment, puis non, je l'ai trouvé surtout vers la fin, moi je l'ai trouvé particulièrement difficile, mais c'est parce que t'as pas, écoute, des fois ça pardonne pas, c'est que t'es caché d'une place, tu tires, puis tu peux manger une balle, tu meurs en deux shots, puis si tu prends pas tes médicaments, tes painkillers finalement, là. Puis c'est dur, là. Faut vraiment que tu calcules tes shots. T'sais, tandis que les autres, les Max Payne 1 et 2, c'était pas mal plus, bon ben, on va au ralenti, on se tord. Y a pas vraiment de système de cover, mais reste que c'était quand même, c'était faisable, là, tu pouvais souvent reprendre tes shots, là, puis tandis que là-dedans, les checkpoints, là, des fois tu meurs puis tu recommences quasiment là, à l'autre bout, là. Ou ce que du contraire, dans Max Payne 1 et 2, tu sauvegardais quasiment genre... Toutes les 30 secondes, moi, je sauvegardais souvent. Tu te disais, oh, bon, mais merde, j'ai manqué ce shot-là, reload, puis quasiment instantané. Après ça, je joue toujours à Borderlands 2. Ah, cool. Du niveau 64, tu vois, sur le sein. Ah non, je suis vraiment accro. Ce jeu-là, c'est tellement fun. Ben, d'ailleurs, moi aussi, je joue encore, c'est vraiment le fun. PS3. Ouais. Ah, c'est vraiment le fun. Ben, je connais des amis qui jouent beaucoup sur PC. Le PC m'intéresserait, sauf que c'est le genre de jeu que j'ai recommencé tellement souvent que je suis amené de voir le début. Ok, ouais. Ça m'a fait pareil avec le Borderlands 2. Je sais pas, c'est moi personnellement, là. Je vois le début, puis je suis comme, ah, c'est des jeux qui sont très longs, là. Quelqu'un qui veut vraiment se mettre dans Borderlands 2 puis s'investir à fond, là, attendez-vous, là. En tout cas, nous autres, on fait yank des missions secondaires, puis on en a pas. Ah, il y en a un paquet. Ouais, excuse, je te coupe au deux secondes. Non, il y a aucun problème. Mais je m'écoute, dans ce temps-là, je m'écoute, ce qui est drôle, c'est, tu sais, parce qu'on écoute, j'écoute souvent le podcast, là, puis qu'est-ce que je me tape ses nerfs, c'est incroyable. Je suis là, mais voyons, arrête donc d'y couper la parole, il parle, le style de souche. Fallait que je le dise, que je me tape ses nerfs quand je m'écoute, puis c'est ça. Ça fait partie du métier. Ah oui, que veux-tu? Après ça, merci de m'avoir fait découvrir Awesome Notes. Ouais, ça c'est apparu dans ma vie très dernièrement aussi. Je pensais pas aimer ça. Mais quand t'as dit que tu me dis que c'est un platformer, là, par exemple, j'ai... Ben, fait ouais. Tu viens me chercher. Ben, moi, avec les platformers, ça a toujours été. Puis je veux dire, avec ce style-là de jeu, je trouve que ça fonctionne, écoute, à merveille, tu sais. Puis, dans le fond, pour ceux qui savent pas, c'est quoi? Awesome Notes, c'est développé par une compagnie que je ne connais pas, que j'ai complètement oublié le nom, qui est vraiment pas tant connu, je pense, du moins. Qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? C'est un style de jeu qui se nomme MOBA. Je peux pas vous décortiquer le mot, ben je le sais pas. Mais ce style-là, dans le fond, c'est comme League of Legends. Bon, puis pour ceux qui savent pas c'est quoi, dans le fond, League of Legends, c'est que on a des champions, on a des espèces de personnages qui sont puissants. Et le but, c'est d'aller tuer la base des autres ennemis. Mais pour ce faire, il faut passer certaines étapes. On a des petites espèces de... Dans Awesome Notes, on a des droïdes, justement, qui nous aident. Dans League of Legends, c'est des minions. Mais là-dedans, on a des espèces de petits droïdes. Puis eux autres, de chaque côté, autant du côté de l'ennemi, du côté de nous autres, mais il y en a. Mais si on veut qu'ils... Comment je pourrais expliquer ça? Progresse. Si on veut qu'ils progressent, il faut, tu sais, essayer de tuer les petits droïdes ennemis, il faut les aider. Mais en même temps... C'est ça, c'est tellement tactique, c'est tellement... Il y a beaucoup, beaucoup de stratégie dans ce jeu-là. Mais ce qui est cool, et ce que, moi, tant qu'à moi, ce qui m'a vraiment fait accrocher, c'est que, contrairement à League of Legends, où ce que ça se joue comme un StarCraft ou un Age of Empires dans ce style-là, civilisation, c'est que c'est plateformeur, comme tu l'expliquais. Ce qui fait que le jeu est vraiment, là... Oh, c'est vraiment trippant. Ouais, c'est trippant. Puis tu as un choix de personnages qui sont très différents. Il y en a un qui va être plus... tanks, il y en a qui vont être plus résistants, qui vont, bon... Des guérisseurs aussi. Des guérisseurs, ceux qui vont peut-être plus attaquer de loin, à distance. Fait que, écoute, c'est vraiment le fun. Mm. C'est vraiment le fun. Excellent jeu. Il était gratuit. Là, au moment où on se parle, bon, il le sera probablement plus. Bon, il doit être fini. Mais dans lorsque on vous parle, il y a une promotion, dans le fond, qui fait qu'il est à 60% de rabais environ, ce qui est à 3,49 le jeu. Vraiment pas cher. Vraiment pas. Ben, moi, c'est là que je l'ai acheté, puis j'ai comme fait, ben voyons donc. Puis j'ai acheté un soundtrack avec, ça m'est revenu à 4$ environ. Fait que j'ai comme fait crime pour le nombre d'heures que je vais passer là-dedans. À date, j'ai 10 heures de passer dans le jeu, et je ne regrette absolument pas mon 4$. Je suis vraiment retombé dedans. Fait que... En tout cas, pour ceux qui vont écouter le podcast, je sais pas s'il va être encore en rabais, mais à 9,99$, je trouve que ça vaut vraiment la peine. Parce que c'est le genre de jeu que... Tu y retournes tout le temps. Ce qui est cool, c'est que, là, excuse, je te prends du temps d'antenne, mais en même temps, ouais, j'ai joué à ça. Fait que, gars. Ouais, mais t'as joué plus que moi aussi. Ouais, puis je me tape ses nerfs déjà en partant. Bien qu'à savoir que je vais m'écouter ça, c'est faut que j'arrête de penser à ça. Mais c'est ça, c'est que t'as une barre de progression de niveau, puis au fur et à mesure que cette barre-là augmente, donc tu sais, tu fais des batailles, tu fais des matchs, donc tu vas unlocker finalement, tu vas débloquer des personnages au fur et à mesure que les niveaux vont augmenter. Fait que, à un moment donné, des personnages, t'en as juste comme. Vraiment, t'en as vraiment beaucoup. Fait que tu peux en choisir un que tu vas être meilleur. Puis, tu sais, après ça, tu peux choisir justement les habilités que tu vas y mettre. Fait que c'est vraiment complet comme jeu. Je trouve ça vraiment fantastique. Vraiment, là. Il y a ses défauts, mais pour ses qualités, en tout cas, pour les qualités qu'il y a, c'est vraiment bon. Puis, quand je parle de défauts, je dirais que il y a beaucoup de ce qu'on appelle en anglais le rage quit. Parce que, ouais. D'après moi, c'est à cause que, excuse, je t'interromps. Ça doit être à cause que. Là, d'après moi, il va en avoir moins, mais à cause que c'était gratis 2 jours aussi. Ouais, c'est ça. Fait que j'espère qu'il va en avoir moins quand je vais l'acheter, parce que des fois, c'était. Joining game, leave, ça arrêtait pas. Ce qui arrive, c'est que pour ceux qui savent pas, pour ceux qui détestent l'anglais, rage quit, ça veut dire quelqu'un qui est très fâché, qui est en train de jouer, puis à un moment donné, il décide de quitter. Ouais. Pendant que ça arrive, là, le jeu, lui, va remplacer son personnage par un ordinateur. Ouais. Si quelqu'un décide de faire une partie rapide puis que ça match, ben là il va essayer de le faire fitter avec nous autres. Mais sinon, moi ça m'est arrivé une game que tous mes partners étaient des ordinateurs. Ouais. Des fois c'est le contraire, c'est l'équipe adverse qui se ramasse avec des bots. Ouais, c'est ça. Mais tout le monde était des bots. Tout le monde avait quitté. Fait que moi j'étais seul, mon équipe c'était une gang de patates pas de cerveau. Je me suis fait démolir parce qu'on était vers la fin de la game. Pas mal toutes nos tourelles étaient détruites. Fait que là, j'étais comme, voyons donc. Et autant que c'est le contraire, tu sais, des fois, à un moment donné, ben, moi et Dom, on a joué beaucoup hier soir, puis il y a une game que c'est ça, tu sais, on était comme nos trois avec un gars qui était vraiment solide, là. Lui, il nous huilait, puis il était tout le temps avec nous autres, tu sais. Ça paraissait. Le travail d'équipe là-dedans, c'est important. Là. Lui, il l'avait. Ouais, oh, une chance qu'il était là. Puis vers la fin de la game, écoute, ses deux partners étaient partis, lui, de l'autre équipe. Puis il est amené. Ah, il était seul. Hey, on l'a démoli. Quand il a dit, regarde, j'ai fait aucun kill, je me suis fait tuer 5 fois. Tous mes partners étaient partis, tu sais. Ouais, c'est. Pauvre gars, là, tu sais. Ouais, c'était comme. Il est resté jusqu'à la fin, puis je le salue. J'ai même pas remarqué ça, mais il me dit ça, fait coller, non, ouais. Ouais. Oh, ouais. On a fait une game où que, finalement, il était seul, puis. Non, je salue ça. Mais c'est ça, il y a vraiment beaucoup de rage quitting dans ce jeu-là, puis c'est quasiment un problème. Parce que rage quitter, ça donne rien. Tu te rappelles, des fois, on a eu une game où on était sûr de la perdre, puis ça allait mal, puis ça. Puis moi je me rappelle, j'avais deux petits droïdes, j'ai foncé, j'ai pété une tourelle, j'ai réussi à les gosser. Ah, parce oui. Que souvent, ce qu'il y en a qui. C'est qu'ils font ce qu'ils se ramassent tout le temps à la même place, ils vont tout le temps attaquer à la même tourelle, ils vont tout le temps à la même petite place. Mais moi, ce que je fais, c'est que je contourne le monde, je m'en vais sur les deux petits droïdes tout seul que personne ne voit, ils vont putain. Là, la tourelle, t'sais, moi je vais discrètement, pis là, pendant qu'il bute là, nos tourelles, oh, il revient de bord. Là, pendant ce temps-là, t'es capable d'aller en bas. C'est ça, c'est vraiment. Ouais. Ce qui fait qu'en équipe, c'est vraiment important parce que pendant que toi tu fais ça, ben là tu peux faire un move. C'est-à-dire, ok, ouais, là il ça. Remonte en haut pendant qu'il bûchait sur notre tourelle, ben là on peut essayer de repousser les droïdes pour pas que eux ouais, autres, les petits droïdes, ils dommagent notre tourelle. Là après ça, tu peux essayer de parce que c'est ça les tourelles, ce qui est étonnant, c'est que c'est eux autres qui font que les droïdes peuvent pas aller dans la base ennemie pour aller la détruire. Fait que faut les tuer, mais tu sais, on s'entend que les tourelles c'est ce qu'il y a de plus dangereux. Fait que pour ça, faut être quand même plusieurs de préférence, avoir les petits droïdes qui bûchent dessus pour que la tourelle vise les petits droïdes. Fait que c'est quasiment un art, ce jeu-là. Mais j'ai beaucoup de plaisir. Moi, je préfère ça que League of Legends. C'est plate à dire, mais... Ben, League of Legends, c'est pas mon style de jeu. Ça m'attirait pas, mais quand tu me dis, oh, un plateformeur 2D comme ça, pas trop compliqué, oui, j'ai accroché dessus. Bah, ben, c'est ça. Sur League of Legends, League of Legends, c'est gratis. Mais d'un côté, on dirait que plus t'es rendu bon, plus le monde, ils font une chialer. Puis, en tout cas. Là, je m'en aventurais pas là-dedans. Des fois, la communauté d'un jeu, souvent, ça ruine l'expérience. En tout cas, mon opinion. C'est très vrai. Puis, à date de ce que j'ai joué ensemble, c'est une très bonne, ben, très bonne communauté. Une communauté qui est normale. Là, qui n'est pas si. Je me suis pas fait envoyer chier. Au contraire, tu sais, même les. Non, moi, je trouve ça drôle. Tout le monde t'envoie chier. Mais ouais. Puis, je m'en fous, honnêtement. Là, je veux dire, puis il n'y a personne qui va t'envoyer chier parce que t'as perdu une game. Tu sais, puis. On a tout le temps été correct quand on a gagné. T'sais, on a gagné 3-4 en ligne, puis c'était jamais comme ha ha ha noob. T'sais, non. On a toujours été correct. Fait qu'en tout cas, fait que c'est pas mal. Ça ressemble à ça. Je joue à Borderlands 2 également, aussi sur PS3 beaucoup. J'adore ça. Je suis pas rendu tellement loin. Je suis rendu niveau 26. Okay. Comme je t'ai dit, je fais beaucoup de quêtes de side quests, mais j'adore ça. T'as pas fini d'en faire. T'as encore les extensions à faire aussi, si jamais tu t'es procuré. Ouais, ben, mec, j'ai fini le jeu à Noël. Probablement. Ouais. Parce que je suis bien quand. C'est ça, on avance un petit peu dans l'histoire, on fait les quêtes secondaires. On avance un petit peu dans l'histoire, on fait les quêtes secondaires. C'est ça. Tu complètes une mission principale, 5-6 quêtes secondaires. Ça. Fait que ça arrête juste plus. Puis, pour finir avec ça, j'ai, entre autres, recommencé Metroid Fusion au Game Boy Advance que j'avais eu gratuitement avec la 3DS. Vraiment, là, c'est un must, ce jeu-là. J'adore l'ambiance de ce jeu-là, j'adore le graphisme, j'adore le gameplay qui est similaire à Super Metroid. J'adore tout, c'est tellement un bon jeu. Je le trouve un peu creepy, moi, ce jeu-là. Oui. Il était peur. Avec quelque chose, SAX, qui arrête pas de te poursuivre. Ouais, puis le pire, c'est que. Ça devient stressant, des fois. Elle te poursuit à quelques places du jeu, mais elle te poursuit pas tout le temps, mais c'est parce que la musique, surtout la musique d'ambiance du jeu, te fait vraiment peur. En tout cas, moi, à un moment donné, tu sais, t'es dans le noir, puis tu fais comme. Tu sais, t'es tout le temps sur un stress, t'es tout le temps sur un. Comme t'es angoissant un peu, là. C'est vraiment bon. C'est vraiment excellent. Là, je le joue avec un walkthrough pour trouver les. Les missile tanks puis les energy tanks parce que honnêtement vers la fin là, c'est pas facile. Je me rappelle moi, il me semble j'avais pris le temps de chercher, tu sais, puis j'avais fait un peu toutes les pièces, mais je me suis rendu à la fin, j'avais quasiment rien trouvé, tu sais, puis pourtant il me semble que j'ai fait le tour. Ouais, ils sont vraiment cherchés, ils sont cachés, à des places là vraiment, puis bien souvent je lisais ça puis j'étais comme il y a un energy tank là ou puis des missile tanks là, tu sais, je suis rendu à, j'en ai 105 je pense. Ah, il y en a tellement. Puis il y en a vraiment là, je veux dire, je peux me rendre très très très loin, fait qu'en tout cas, tu sais, c'est vraiment le fun, je suis bien content de d'avoir je sais pas si je vais le finir, je commence les jeux, je les finis pas, fait que finis-les, à moi à peine. Ouais, je sais, je me suis dit ça pour les Zelda Oracle of Seasons puis je l'ai pas encore fini, mais okay, bon, à un moment donné je vais y retourner. Ça, je suis pas joué, pas. Tu devrais, mais t'as pas trop d'aise. Ouais. fait que je pense que ça fait pas mal le tour. Ouais. Ouais. Ah oui, je voulais dire aussi, je voulais remercier, je voulais dire un gros merci à Sis. Oui, de l'Horreur Gamer. Oui. Dans le fond, parce que lui, ben, il a participé à l'épisode 9. Oui, et c'était bon, vraiment le fun. Je tiens aussi à m'excuser parce que j'ai pas mis la toune d'intro au début. J'ai pas allumé. La toune de fin non plus. Ouais, j'ai... Il n'y avait aucun jingle de fin ni de début. Je pense pas que ça allait gêner. Puis honnêtement, je pense que le monde s'en sont foutu un peu. Oh, c'est pas le principe de n'avoir une, dans le fond. Puis, mais en tout cas, je voulais juste remercier Sis, qui a été vraiment très gentil d'avoir monté l'épisode. Ouais, merci aussi. Ça aurait pas été de lui, il n'y aurait pas eu d'épisode. Je te remercie, mon vieux. Et aussi, pour ce qui est du site Internet, là, on était supposé techniquement... Bon, être sur le site. Peut-être qu'en ce moment même, il va être sur le site. Puisque là, je viens d'allumer que je pourrais peut-être envoyer un message à Sis éventuellement avant de le poster. Mais non, dans le fond, je vais le poster sur le site parce que ça va être mieux pour vous autres. Ça va être peut-être moins un changement drastique. Je veux vraiment que vous preniez le temps de changer de iTunes parce qu'on va refaire notre iTunes. On va tout en refaire. Fait qu'on va comme recommencer à zéro si vous voulez. Fait qu'il va être sur Fun Jouer Jeu encore, mais le prochain, donc notre spécial, je l'espère, de de j'ai Secret of Mana. Ah, voilà, on l'a dit. Voilà, pour célébrer, j'ai fait languir le monde, puis, mais sur Facebook, il y a Kevin, je pense qu'il l'a deviné. Ben oui, on fait ça sur Secret of Mana, donc 20e anniversaire de Secret of Mana. Ouais. On va essayer de faire comme chrono un peu avec un jingle de Secret of Mana, une tonne de fin de Secret of Mana. On va essayer de faire comme chrono. Peut-être, ça sera peut-être pas autant épique qu'un chrono, mais ça va être bon. Ça va être bon. Ben, c'est sûr et certain, ça va être vraiment de la musique de Secret of Mana. Oui. Puis comme je le disais tantôt, faire l'historique aussi, d'où que ça vient, tout ça. Ouais. Donner les dates importantes, les jeux qu'on a moins aimés. Donc ça va être un gros medley de tout ça. Fait que j'espère que vous allez aimer. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de l'introduction, les amis. On va passer tout de go aux musiques. Bloc numéro 1. Bloc numéro 1, les amis. Fait que, écoute, en numéro 1, pour ce qui est du bloc, on a l'excellent Megaman X5. Ben, je dis excellent, remarque, je pense que je l'ai jamais joué. Fait que je pense qu'il est excellent. Ok. Et la tune s'appelle Easy Glow. C'est pas une chanson que j'étais familier. Ah ouais? Non. Je pense que c'est la meilleure, selon moi, du X5. Parce qu'à part celle-là, les autres, me semble, sont pas tant mémorables. Ouais, ça se peut. Parce que j'ai écouté, en tout cas. Ouais. Mais celle-là, c'est, selon moi, c'est la meilleure. Ben, c'est sûr, c'est très rythmé, c'est très Mega Man S. Je sais pas c'est qui a composé ça. Chose est sûre, je pense qu'il jouait sur Play 1. Ou c'était. Non, c'était-tu sur Play 2? Play ça m'étonnerait pas que ce serait sur. Que ça sur Play 2, mais je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr, fait que. Non, vraiment, je serais intéressé à jouer à ce jeu-là, rien que pour écouter cette musique-là, honnêtement, c'est vraiment sa torche. Ouais, bonne. Ouais, c'est vraiment cool. Bon, mais deuxième tune, on a Dark Jungle du jeu Jurassic Park 2 au Super NES. Hey, une jungle sombre avec des dinosaures, ça fout à chienne, il y a un peu. Ouais, en esti. Hey, tout qu'un jeu, ça. Ça, c'est Jurassic pas... Park 2. T'avais-tu déjà joué? Non, je pense pas. Okay. Moi, lui que j'avais joué, c'était vraiment là, le premier. Puis je l'avais joué au Genesis. Welcome to Jurassic Park. Parce qu'il dit ça au début, ça me fait. Welcome to Jurassic Park. Ah, mais on les aime, les voix fromagées du SNES. Pis ouais. C'était tout le temps, là. Power up. Ouais. Il essayait d'intégrer des voix, puis je trouve que c'est. Oh, non, oui. Il faut saluer ça. Mm. C'est cool, tu sais. Ouais, non, c'est ça. J'aurais ça que par deux. Jamais joué. Okay. Puis moi, le premier, je l'ai trouvé tellement raide, là. Ah, oh, il est raide. Tu me disais tantôt qu'il est encore. Le 2 est encore plus raide. Mmh. Fait que. Ben, en parlant un peu du premier, le premier, il est vraiment creepy. Je sais pas, tu te rappelles, des fois, tu rentres dans des bâtiments, pis t'as vu, elle change en première personne, pis t'as comme des espèces de grosses lunettes, là, je sais pas trop. Pis t'as une musique vraiment creepante, pis t'as, tu vois, les dinosaures, là, qui, des fois, qui t'arrivent dans face, hein, tout en temps. Ah, shit, je me rappelle pas de ça. Ah oui, quand tu rentres dans les bâtiments, on dirait que tu te créerais dans Doom avec des dinosaures. Sérieux, c'est oh, fuck all. Ah oui. Okay. Oh, je te montre ça. Ok, ouais, c'est clair. Mm. Je me souviens pas de ça, tu sais, parce que non, vraiment, le jeu, là, il m'avait frustré. Parce que j'avais joué beaucoup, tu sais, comme dans le temps que j'avais un Genesis, je l'avais joué énormément. Parce que c'était dans les seuls jeux aussi que j'avais dans la collection. Puis quand j'arrivais à la fin, ok, je sais pas si tu te souviens de la fin du premier. Chef, où tu ramasses des œufs, puis à un moment donné, t'as un hélico qui vient te chercher, mais ça. Ouais, une affaire de main. Écoute, j'ai vu la fin de ce jeu-là, je me souviens plus où. C'est quelqu'un qui l'avait critiqué. Je pense que c'était le joueur du grenier. Puis quand t'arrives à la fin, c'est vraiment un coup de random, là. Mais moi, j'étais flow. Puis je savais pas quoi faire. Moi, j'étais là. Voyons, je vais aller finir le jeu. Fous-moi à paix. J'ai assez rushé tout le long de ce style de jeu-là. Veux-tu bien finir? C'est frustrant. Ça finit pas, cette affaire-là. Mais là, écoute, c'est vraiment con, là. Je me souviens pas c'était quoi, là. Mais là, je regardais ça. J'étais comme, tu niaises-tu, là? J'ai passé autant de temps à gosser. Je pense que c'est n'importe quoi, là. C'est vraiment n'importe quoi. C'est ça que je te dis, c'est n'importe quoi. C'est frustrant. C'est vraiment. Mm. Puis quand tu vois la fin en plus qui est pas tant satisfaisante, là, ben bref, t'es comme OK, c'est beau. Mange de la merde. Désolé de le dire. Bref, pour revenir à Jurassic Park 2. Jurassic Park 2, c'est un platformer 2D, ben, évidemment. Mais contrairement au premier qui est une vue un peu vers le haut. Mm-hmm. Il est vraiment, mais vraiment pas facile. Tu peux jouer à deux, celui-là, tu peux jouer en coop. Puis il est vraiment tough. T'as de début, je pense que t'as 7 ou 6 choix de mission. T'en as une, t'es dans un volcan, t'en as une, t'es dans une espèce de grosse montagne, une, je pense que t'es comme dans le désert. Puis c'est vraiment pas facile. Je me rappelle qu'il y a une séquence où t'as un T-Rex à un moment donné qui court après. Ah ouais. T'es comme sur un gros Jeep. Puis t'as un T-Rex qui court après. Faut pas que t'arrêtes de te le tirer dessus. Puis pas qu'il t'attrape. C'est vraiment tough. Ce jeu-là, il pardonne pas. Puis il est pas facile. C'est ça. Lui qui est très différent du premier, j'imagine que tu peux pas choisir entre l'humain. Je pense que t'avais Grant. Puis t'avais le Velociraptor. Dans le premier, c'était ça. Puis t'avais des missions différentes. Dans le premier, ouais, t'avais avec un bonhomme avec le chapeau. Ouais, mais tu pouvais prendre le Velociraptor aussi, ouais. Fait que t'étais, mais... Les contrôles étaient vraiment pas faciles. C'est parce que lui, il jumpait vraiment très haut. Puis quand il atterrissait, ben souvent, il pouvait tuer des dinosaures parce que lui, il avait son espèce de griffe. Mais en tout cas, de ce que je me souviens, là, c'était vraiment... Ouf! C'était rough, là. Ça fait longtemps, mais... Non, mais le deuxième, il ride. Mon frère, on a assez joué pour... on n'a jamais passé. Je pense qu'on y restait une ou deux missions, mais on n'a jamais passé. Ah, c'est quelque chose. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Bon, ben, écoute, notre troisième tune qu'on a à vous offrir, c'est The Seventh Saga, la chanson thème village, tout simplement, qui était un jeu de Super Nintendo. Oui. Et, écoute, c'est drôle, j'ai pogné cette tune-là parce que moi, je suis abonné à la page, en fait, au groupe Retro Gaming Québec. OK. Ah, moi avec aussi. mon boy, Papa Cassette, qui est Dominique Bourret, envoyer cette cassette-là, puis j'avais déjà joué à ça, puis j'avais tellement... Sur émulateur, j'avais pas eu des bons souvenirs, parce que j'ai pas joué longtemps, puis j'aimais pas ce que je voyais. Il est vraiment différent des Final Fantasy de ce monde, puis les chronos, tout ça. Il est un peu plus underground, je dirais. Moi aussi, j'ai joué à l'émulateur, puis il est pas facile... Ouais, c'est ça que j'avais remarqué beaucoup. Il est très, très dur. C'est ce que le monde disait aussi dans les commentaires de son post. Le jeu, je pense qu'il n'est pas si dispendieux que ça. Je pense pas. Alors, remarque, en tout cas, mais quand même, c'est rare que tu vois quelqu'un qui parle ou qui joue à ce jeu-là. Ben, c'est ça, tout le monde parle de Final Fantasy, Chrono, Mario RPG, mais tu sais, ça aussi, ça en a un bon. Puis, Illusion of Gaia, ça en a un bon aussi. Il y en a d'autres, là, des RPG. Soul Blazer. Ouais, Soul Blazer, effectivement, il est bon aussi. Non, vraiment. Puis je vous conseille fortement d'aller écouter la vidéo de Mike Maté. C'est quelqu'un qui travaille avec chez Cinemassacre, The Angry Video Game Nerd. Puis lui, il fait des vidéos souvent, tu sais, pas des vidéos comme le nerd, mais il fait des let's play, il dessine, tu sais, il fait plein d'affaires. Je trouve vraiment que c'est intéressant. Puis il avait fait un top 10 de jeux de NES et de SNES. Si, en tout cas, je sais que lui, il était pas là-dedans, mais il y avait plein de bons RPG. Tu sais, que j'étais comme, voyons donc, ça a bien l'air cool. Puis tu sais, des jeux d'action, puis tout ça. Puis en tout cas, même lui, je pense qu'il était même pas là-dedans, tellement que c'est obscur comme jeu, là. Fait que, non, c'est vraiment. Mais la chanson thème est vraiment bonne. Ça me rappelle carrément, tu rentres d'un village. Ça fait très Final. Ben, pas Final Fantasy. Mais ça fait très chanson quand même, assez typique d'un village, d'un RPG. Oh, ma voix fait... Ouais, c'est bon, ça. Pour circuit, Dan. Après, moi, j'ai trop mangé de fruits. Mais pourtant, des fruits, c'est pas supposé d'enlever la voix. Pourquoi? En tout cas, arrive. Étrange. Hey, fait que c'est pas mal ça pour nos blocs. Hey, recap. Yep. Megaman X5, Easy Glow. Après ça, Dark Jungle de Jurassic Park 2. The Seventh Saga, Town Team. Bonne écoute. Bloc numéro 2, très chers auditeurs. Bien sûr. Fait qu'en première position, on a The Legend of Zelda, The Wind Waker, Dragon Roost Island. Yes, on va fêter le retour HD en grand. Ben oui, bien sûr, on va... Ben oui, puis c'est justement, mon truc, c'est une bonne idée, étant donné que Zelda Wind Waker HD sortait bientôt. Tu sais, t'as de l'intention de l'avoir. Tu vas l'avoir ta Wii U, toi, bientôt, mon Snow Road, toi. Ben, en fait, je vais l'avoir deux fois. Je vais avoir la Wii U avec Wind Waker. Puis la seule affaire que je trouve plate, c'est qu'il est digital. Ouais, ça, là, ça... Ouais. Pis ça, puis le guide de Yuna Listerio. J'ai vraiment trouvé ça correct. Mais... comme je te dis, je vais l'avoir deux fois parce que j'ai acheté la version avec la figurine de Ganondorf aussi. Je peux plus m'en empêcher. Ouais, vraiment. Je sais pas, je l'ai pas vu. Ça a vraiment l'air hot, là, mais... D'après ce que j'ai vu, là, elle est comme dans une espèce de vitre, là, un peu comme la fille de Saints Row 4, là. Ouais, ben, sauf que ça vire pas, mais c'est comme dans une espèce de gros dôme, là, en demi-cercle. En tout cas, c'est vraiment beau. Non, ça a vraiment l'air cool. Ouais. Mais c'est ça, moi, ça m'a comme vraiment décrinqué à m'en acheter une parce que là, j'étais à maudit. J'aimerais ça d'avoir enfin, tu sais, une Wii U. Puis ça fait un vrai vache de bout quand j'en veux une. Mais en même temps, c'est ça, le jeu est digital. Puis Hyrule Historia aussi digital. J'étais comme, ouais. Non, tu sais, j'aurais préféré vraiment l'avoir physique. En même temps, je peux comprendre. Hyrule Historia, tu l'as déjà. Ouais, Hyrule Historia, je l'ai acheté dernièrement. Je suis vraiment content, j'ai fait un bon deal. C'est un de mes chums qui me l'a acheté. Mais ça a été. Le livre, il est pesant. Fait que j'imagine que ça aurait coûté plus cher à Nintendo. Parce que quand c'est digital, je veux dire, t'as pas besoin de rien inclure. Mais come on, tu sais, le jeu au moins physique. Tu le mets dedans, that's it. En tout cas. Ouais, c'est dommage. Peut-être moins. Mais au moins, on a le pad, là, en tout cas. Le pad spécial de Zelda, il est beau en calique. Ça me fait penser un peu dans le temps que. Ocarina of Time. Ouais, la 3DS. Ouais. Ouais, c'est semblable. Il avait sorti une belle 3DS qui était comme ça. Ouais. Mais malheureusement, c'était pas la XL. Mais vraiment, elle était super belle. Ben, pour ceux qui veulent une XL spéciale, il y a prochainement, ils vont sortir des kits pour Pokémon X and Y. Ouais, c'est. Que je vais fermer mon. Excusez-moi. Tout bien, c'est présenté par M. Daniel Vaillancourt. Ça me fait plaisir. Ouais, fait que c'est ça. Ils vont sortir des éditions spéciales pour Pokémon X and Y. Des 3DS qui sont vraiment belles. Un jeu d'ailleurs que je vais. Ouais, cette année, je l'achète. J'ai pas acheté. Okay. Je me suis retenu de me pogner Pokémon Black and White 2. Ben, j'avais joué à, je pense que c'était White ou Black Dawn, ou whatever, puis j'avais vraiment aimé ça. Mais là, cette année, là, j'y vais à fond. Ben, vraiment, là. En même temps, la 3DS, version Pokémon, mais je sais pas, Pokémon, j'ai jamais accroché. Ben, en fait, je pense que j'ai joué qu'un Pokémon, mais ça fait, doit faire 10 ans de ça. Fait que, je sais pas. Tu comprends pas. Non, en effet, je comprends tu pas. Comprends pourtant, rien. Je l'ai écouté quand j'étais jeune, j'ai écouté Digimon puis Yu-Gi-Oh. Ah ouais, la série animée, là. Tu sais, quand Butterfly, il s'en va. Ah, mais Remember Ash, là, Forever. Ash, pour moi, c'est un esti d'imbécile. Il a abandonné Hitmonlee, il a abandonné Butterfly, ah, je pense oui, qu'il a abandonné Charizard un bout. Ça, il a jamais voulu que Pikachu évolue. Ça, il a jamais voulu que son Bulbasaur évolue. Il a jamais voulu que son Squatter évolue. Mais calice, veux-tu être plus fort? Tu comprends pas, man. C'est dans le cœur que ça se passe. C'est les émotions. Ah, mais c'est le même, them feels, man. Il est plus fort et plus badass. Moi, je comprends pas. En tout cas, c'est une petite montée de la personnelle. Mais... mais ça fait... l'épisode où Pikachu, il se bat contre un Raichu, là, tu sais, tu le vois qu'il est plus fort, là. Mais tu sais, ils font tout le temps comme dire, non, tu sais, c'est l'amour. Pis Ils se freinent en cachette. Ils se font des petits sparks. Ils se font des petits becs électriques. Ils se mouillent le... Ah, ils se mouillent le bec. OK, on ira pas plus loin. Mais... pas besoin de nous remercier pour les cauchemars. Hein, c'est gratuit. On vous donne ça. C'est pas de cash, coûte rien. Hein, fait que, hein, vous avez des beaux petits cadeaux de notre part. Ça me fait plaisir. Non, mais tout ça pour dire que... ouais, ben Pokémon, moi, j'avais joué beaucoup à Pokémon Red dans le temps au Game Boy, puis j'ai vraiment eu des bons souvenirs, honnêtement. C'est des bons RPG, carrément. T'sais. Puis ce qui est le fun, c'est d'avoir comme ta gang de Pokémon, puis tu joues beaucoup avec les éléments, les élémentales, comme de l'eau, la terre, le vent, le feu. Fait que ce qui est cool, en plus, dans le Pokémon, dans le nouveau Pokémon qui va arriver, c'est que t'as une quatrième évolution qui va arriver. Puis bon, moi, les astis d'évolution, astis que ça me fait triper. C'est-tu juste... Est-ce que c'est juste pour les Pokémon récents, mais ça va inclure les anciens? Ben, je pensais que c'était tous les Pokémon, mais là, je suis pas sûr. Il faudrait vraiment que je me renseigne comme faut. Quand j'écoutais Nintendo Direct, je me souviens pas exactement qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais je pense que c'est vraiment pour tous les Pokémon. Okay. Puis il faut que tu aies un item vraiment spécial, là, si c'est pas, ça se fait pas naturellement. Okay. Fait que bref, tu sais, en tout cas, ça vaut la peine. D'après moi, ça risque de valoir bien gros la peine. Ça, je trouve que c'est une bonne idée qu'ils ont intégré. Ben, c'est ça qui est mal avec Pokémon, c'est que t'as toujours, mettons, version Red, ça t'a version rouge, ça t'a vert, ben, jaune. C'est ça, je comprends pas. Ouais. Là, ils sortent une version Y, puis X. C'est quoi? C'est ben, deux jeux différents? Ça va être probablement la même chose. De ce que j'ai vu, ça, moi, le noir et le blanc étaient essentiellement la même chose. C'est juste que tu vas avoir là-dedans des Pokémon légendaires. Okay. Tu vas avoir un Pokémon unique là-dedans que tu peux retrouver dans le jeu, puis ça va être dans celui-là. Okay, et oui, c'est le même jeu. Ouais, ça va être le même jeu. Les Pokémon sont différents. Ouais, tu vas avoir les mêmes Pokémon dans certaines places, okay, mais les Pokémon légendaires sont différents. Okay. Moi, ce qui arrive, c'est que moi, j'ai toujours acheté une version. Fait que j'ai jamais ramassé vraiment avec des Pokémon légendaires. Sauf que, tu sais, je dors très bien la nuit. Bon, en tout cas, c'est vraiment pour les... Parce que le but, c'est gotta catch them all. T'sais, faut tous les attraper. Ouais. T'as vraiment des espèces de maniaques. T'sais, comme là, Nintendo sort le Nintendo Cloud, où ce que tu vas... Pokémon Cloud. Tu vas payer un certain montant, je pense, par année, pour pouvoir stocker tous tes Pokémon que t'as capturés dans le cloud, pour avoir vraiment... faut être vraiment maniaque. Puis je sais qu'il y en a qui vont probablement embarquer là-dedans. Les fans de Pokémon sont assez hardcore. C'est ce qui fait, d'après moi, que Nintendo... Il y a des rumeurs, il y a des articles qui disent qu'ils iront pas très bien. Pokémon, c'est une grosse franchise. Non, oui. Jamais Nintendo. Ouais. En tout cas, moi, je ferais pas que Nintendo, ça. C'est sûr, ça va peut-être pas tant bien, aussi bien qu'avant, mais. Ben, c'est à cause de Wii U. Mais sinon, le reste, ça va bien. Marre, là. Ça va très bien. Nintendo, quand même. Mais bref, ça pour dire que oui, Pokémon, ça torche. Ça, ouais. Puis la toune de Zelda est bonne aussi. Ouais, c'est vrai. Fait que c'est ça. Oui. Fait qu'on vient avec la deuxième qui est la toune Desolation Canyon du jeu Wild Guns au Super Nintendo. Vraiment excellent. Est vraiment bonne. Puis d'ailleurs, si vous voulez vous le procurer sur Super Nintendo, ben en fait, ouais, c'est bien sur Super Nintendo. Ben, il est très cher. Ouais, ben moi j'ai joué à ça, ça fait longtemps dans le temps. Je pense qu'on l'avait loué ou j'avais joué chez un ami. J'avais tellement eu du fun. C'est un jeu qui est coloré, qui est beau. Puis, il est dur aussi. Il est pas facile. Pas facile. Il est vraiment pas facile. C'est un genre de jeu qui, d'après moi, se prêtait bien à l'arcade à l'époque. Je sais pas si c'était un port d'arcade, probablement. mais il est vraiment beau. Non, il est vraiment beau. La toune, c'est rythmé, là. Mm. C'est vraiment bon. C'est pas loin, je pense, du 200$, me semble. Juste la version hey boy, cassette, US, là? Ouais. Hey, puis le japonais, je pense qu'il est aussi cher. Ben, la voix, c'est encore pire. Hey, donc, il vaut vraiment cher. Mais en plus, c'est pas un jeu qui dure beaucoup, beaucoup, qui dure longtemps de ce que j'avais vu, puisque non. Quand je parlais des vidéos que Mike Matei faisait, il parlait justement de Wild Guns, puis il disait que c'était pas super long comme jeu. C'est pas un style de jeu, justement, qui est réputé pour être long aussi. Non, parce que la difficulté est vraiment élevée. Fait que t'as un facteur de rejouabilité qui est vraiment présent. Mais non, c'est pour ce qui est du reste, là, ouf, c'est. Non, c'est plate qu'il soit cher de même, mais un bon jeu. Mm. Ouais. Ensuite, on a VVV. Potential for Anything. Ça, c'est un jeu qui est spécial. C'est sur quelle plateforme, ça? Ben, de base, c'est sur le DSiWare, je pense. Puis okay. tu peux le downloader aussi sur 3DS. OK. Sur le eShop, finalement. C'est, tu peux le télécharger là-dessus. Mais là, je sais pas si là sur Wii U ou s'il est sorti dernièrement sur d'autres plateformes. Mais c'est pas facile, mon gars. C'est spécial. Ouais, mais je me rappelle d'avoir entendu Dominique Bourin en parler de ça. Ben, ouais, justement, c'est lui qui en parlait. ce qui est particulier avec ça, c'est que, dans le fond, un peu comme à la Super Meat Boy, que okay. tu recommences souvent, c'est que le jeu, tu vas jouer avec la gravité, finalement. C'est que tu peux aller en bas et en haut, sauf que, écoute, des fois, c'est un orchestre, puis je veux dire, c'est chirurgical la manière que tu vas jouer, là. Tu sais, il faut que tu ailles soit super vite, soit super lent. Après ça, c'est, écoute. Je te dis, c'est capoté. Ça a vraiment de l'air. Mais j'aime la musique. C'est un ouais. beau mélange de chiptunes avec. Ouais, c'est ça fait très, justement, rétro. C'est vraiment bon. Ça se colle parfaitement bien au jeu. Donc, tout à fait d'accord. Vraiment très bon. C'est ce qui termine ce deuxième bloc. Ouais. Alors, on y va avec, en premier, The Legend of Zelda, The Wind Waker, A Dragon Roost Island, un classique. Après ça, on a Wild Guns, la tune Desolation Canyon. Et on a VVVVVV, Potential for Anything. Yeah. Troisième bloc, et voilà. On y va avec un jeu de course. Ouais. Il y a comme un awkward silence. Non, il n'y a pas de problème. Silence aquatique. Ah, pour moi. Moi aussi. Hey, on y va avec Top Gear 3000. Pour les fans de Top Gear, je sais qu'il y en a qui nous écoutent, qui aiment bien ce jeu-là. La chanson thème. La chanson thème de Top Gear, qui n'est pas un jeu que j'ai joué beaucoup, malheureusement. C'est un excellent jeu de course qui est d'ailleurs, je pense qu'il est pas très cher sur eBay. Non, c'est pas cher ce jeu. Il est pas tant cher, même les deux autres Top Gear 2 et Top Gear tout court. Ouais. C'est pas des jeux qui valent cher, même avec la boîte, je pense que c'est pas tant extravagant que ça. Jeux que vous pouvez procurer facilement. Ouais. C'est un excellent jeu de course, quand même un petit peu futuriste, où ce que tu peux, à chaque fin de course, tu peux. Tu gagnes l'argent en fait. Puis tu peux modifier ton char, les pneus, le moteur, ça, la couleur, les turbos. C'est vraiment cool. Ah. Plus tu progresses, puis à un moment donné, tu te rends compte, à un moment donné, tu penses que c'est au 6e ou 7e moteur, c'est une espèce d'affaire nucléaire de fou. Ça n'a pas de sens. Nice. Non, c'est vraiment cool. Tu peux t'acheter des power-ups, parce que tu peux faire des jumps à volonté. Après ça, tu peux sauter tout le temps. Ouais, tu peux sauter tout le temps. Puis tu as des bonus aussi. À chaque fois, mettons, tu prends, t'es en plein accélérateur, quand tu franchis la ligne d'arrivée, tu as un bonus d'argent. Quand tu fonces pas dans les autres chars, t'as un bonus d'argent. Quand tu rentres pas dans les obstacles, t'as un bonus d'argent. C'est pas facile, par exemple. Ça fait penser un peu à Burnout. Burnout aussi, tu faisais ça quand t'allais super vite à côté d'un char, t'avais genre un bonus de boost. Ouais, c'était cool. Okay. C'est vraiment nice pour ça. C'est cool. Ouais, c'est le fun, puis tu te promènes comme de planète en planète, puis c'est. C'est vraiment un estige de bon jeu de course. Ouais, c'est ça, surtout au Super Nintendo. Moi, j'ai jamais trippé là-dessus parce que bon. C'est vraiment pas mon genre. Puis ça l'est pas encore aujourd'hui. Mais des bons jeux comme ça que tu peux jouer. Je pense que tu pourrais jouer en co-op aussi, ce qui était le fun. Ouais, tu peux jouer à deux. Donc pour ceux que ça intéresse. Ouais, la toune est vraiment. La toune titre, en fait, qu'on va mettre, je trouve qu'elle fait. Elle fait vraiment futuriste, je trouve. Je sais pas, elle est spéciale. Ah, la soundtrack de ces jeux-là sont vraiment bonnes. Ouais. Puis ils ont été beaucoup repris. Il y a beaucoup de reprises très. Des tonnes plus techno. Surtout. Qui s'y collent vraiment. Du premier Top Gear. Ouais. Rad Racer, elle est un peu souvent. Ouais, vraiment. Mm. Mais avec raison, elle est vraiment, vraiment excellente. Vraiment ensuite, c'est ça. Deuxième tonne. Ça se trouve à tête. Voyons. Ok, non, c'est moi qu'il faut qu'il le dise. Super Smash Bros. Brawl. Luigi's Mansion. Donc, c'est la tonne thème de Luigi Mansion. Écoute. Elle est un petit peu modifiée. Ouais. C'est ça, c'est vraiment la version Super Smash de Super Smash à la Wii. Puis ce qui est drôle, Dom, c'est que cette tune-là, dans le fond, je me rends compte que c'est la même tune que dans Luigi Mansion. Dark Moon. Dark Moon, ouais. T'es sérieux? Je sais pas si c'est ça. Bon, peut-être que je me trompe. Mais bref, en tout cas. Oui, ça c'est le thème, parce qu'à un moment donné, t'as comme de l'or qui embarque. Ça fait vraiment dark, là. C'est lugubre. Parce que ce qui est drôle, en tout cas, moi je suis du bord à mon boy Joël Martel qui disait que elle est bonne la toune. Puis elle revient un peu au même, elle est modifiée tout le temps. Quand tu te fais appeler, parce que tu sais, à un moment donné, genre, tu te fais appeler, une espèce de petit scientifique avec la tête, qui a la même forme de tête que Stewie. Il me fait rire. Il me fait tellement rire, ce personnage-là. Il est vraiment drôle. C'est quoi, c'est quoi? Ah, oh, les bruits de Nintendo, là, moi, ça me fait rire. Et mes préférés, c'est quand Mario et Luigi parlent dans la série de Mario et Luigi au complet. Ça fait... Toi, t'avais pas... Moi, c'est dans Star Fox... ben, le premier Star Fox, sur Spider-Man. En tout cas... Ça ressemble à ça, les dialogues. On dirait Peter qui veut parler italien. Dans le... En tout cas, moi, je m'en vais loin. Mais bref, moi, je trouve ça tellement cute. Ils ont gardé ça depuis le premier au Game Boy Advance, puis je trouve ça tellement cute. C'est comme... C'est vraiment drôle. Fait que, ouais, donc, finalement, pour dire que la tune de Luigi Mansion, maudit qu'elle est bonne. Ouais, c'est hot. Mais c'est ça, on vous a choisi une tune qui groove un peu plus, parce que dans l'original, autant au GameCube que celui au 3DS, c'est smooth. Il n'y a pas de quoi se garrocher dans les fenêtres. Là. Mais... Ce qui est hot aussi, c'est que dans le jeu, dans Smash, quand tu te bats dans ce tableau-là, tu peux péter... Dans le fond, c'est ça, t'as comme la mansion à Luigi en background, puis tu peux la démolir. Des fois, t'as des fantômes qui te poursuivent. Ouais, c'est vrai, malade. À un moment donné, t'as débâti complètement. Ouais. C'est vraiment folle. Ouais, fun, cool. La map de ça. Ouais. En passant, Pierre, tu me dois une game de Mario et Luigi Dark Moon. Je l'ai pas encore oublié. Fait que, hey, comme troisième tune, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le jeu Star Ocean Till the End of Time. La tune, c'est The Desolate Smell of Earth. Oh ouais, ça est courte, c'est cool comme petite overall. C'est très. C'est plaisant à dire. Fait une face de non. Exactement comme ma photo de profil vendredi 13 avec mon chat sur mon épaule. Hey, tout qu'un buzz. Hein. Ouais. En tout cas, vendredi le 13 septembre 2013, mettez un X sur le calendrier, cette date-là. Mm. C'est la date officielle des photos de profil avec une face de bœuf qu'un chat sur l'épaule. Vendredi 13, c'est bizarre. Friday the 13th en haut. Ouais. J'aurais aimé ça voir Jason avec un chat sur l'épaule, tu sais, avec son masque et une machette. Ça aurait été cool. J'aurais bien apprécié, mais bon, c'est pas arrivé, comme veux-tu. Ben, peut-être que la photo a passé, mais j'ai pas vu. En tout cas. C'est ça, donc Star Ocean Till the End of Time. Ouais. J'ai jamais joué à Star Ocean de ma vie. Ben, moi, j'ai joué. C'est honnêtement un bon jeu. J'ai joué dans le temps de secondaire. C'est très futuriste, Star Ocean. Okay. C'est une série qui est pas mal moins connue aujourd'hui, je trouve. Parce que, je sais pas, on dirait qu'ils ont comme passé à autre chose. Le dernier qui est sorti, je pense, c'est... Oh boy. Je sais qu'il y a International à la fin, puis il avait sorti au PlayStation 3. Puis c'est ça, c'est des JRPG, c'est des action japonais RPG. Puis c'est tout le temps... Mais c'est vraiment des histoires qui sont... L'univers de Star Ocean est tellement immense, là, je veux dire. Il y a vraiment, vraiment beaucoup de dialogues, du scénario là-dedans. Ça parle beaucoup. Faut aimer vraiment les histoires deep. Moindrement, si ça vous allume pas, ben, les grandes chances, vous tripez pas sur le jeu parce que c'est beaucoup ça. Parce que la plupart, me semble, ça a tout sorti au Play 1, sur Play 2. Ouais. Ils ont fait ça, des j'ai pas eu de PlayStation quand j'étais jeune. Ben, ils ont fait des rééditations, en tout cas des ports. Okay. Sur PSP, entre autres, où il avait fait le premier, je pense que c'était First Contact, on a fait la même. Puis c'est ça, mais c'est. Oui, effectivement, ça a commencé au Play 1. Mais non, aujourd'hui, ça a complètement. Moi, j'attends pas. Je pense que personne, du moins que je connais, qui attend un Star Ocean, parce que c'est vraiment une série qui a comme. Ça a tombé aux oubliettes, ouais. On dirait, malheureusement. Puis, ça a été fait, le pire, c'est que ça a été fait par Square quand même, Square Enix. Et crème, tu sais, à part des, justement des Final Fantasy qui ont plus de bon sens, on dirait qu'ils ont oublié cette série-là. Mm. Mais il y a du bon potentiel, parce que visuellement, du moins dans le temps, au PS2, ce jeu-là était vraiment beau. Puis comme je te dis, l'histoire était vraiment bonne, mais le gameplay aussi, de la manière que ça fonctionnait, c'était super bon. Moi, je me souviens, j'avais acheté le manuel de le walkthrough, man, c'était quelque chose. Mais tu sais, j'étais pas assez habitué à ces jeux-là, fait que j'ai décroché. À un moment donné, je sais pas, j'ai plafonné, fait que j'ai passé à autre chose. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir cette série-là. Si vous aimez des jeux justement futuristes, là, tu sais, là, les. Pas comme Star Wars, là. Final? Non. Ah, vraiment. Ben, ouais, peut-être les finales actuelles. Ça commence de plus en plus à s'y rapprocher. Puis c'est peut-être d'ailleurs une des raisons pourquoi que l'univers de Star Ocean ne fait peut-être plus de sens pour les joueurs. Parce que, écoute, on s'entend que Final Fantasy 13 et 15. Enfin, moi, je trouve qu'il est futuriste. Il tire la sauce. Ben oui, ça c'est sûr et certain, mais c'est parce que c'est très, très, très science-fiction. Mm. Alors que Final Fantasy, ça a toujours été une question d'un village avec, tu sais, c'était très médiéval. Puis Final 6, de ce que j'avais aimé, puis je pense que Final 8 et 9 gardaient cette même ambiance-là. C'était steampunk. Ouais. Tu sais, t'avais de la technologie, t'avais moi j'appelle ça la technologie écrouage, où t'avais des écrous, tout marchait avec une... C'était très robot mécanique, mais tu sais, avec du bois. Ouais, là. Un peu comme Dishonored. Ouais, un peu comme Dishonored dans ce genre-là. L'univers-là est populaire. J'adore ça. Ah, moi aussi. Puis tu sais, les ballons dirigeables, là, c'est steampunk, veux pas. Là. Puis Final s'éloigne vraiment beaucoup de cet univers-là pour aller rejoindre justement un peu plus la science-fiction. Fait que quand tu joues à des jeux comme Star Ocean, qui étaient vraiment comme très avancés pour leur temps, ça fait du sens. Puis je trouve que malheureusement, il n'y a pas assez de visibilité pour ces jeux-là. Fait que, allez voir ça. Les jeux, je pense, originaux coûtent quand même cher sur eBay. Là. Les jeux de Play 1, là. Mais ouais, allez voir ça. Ça vous prend ça dans votre collection. Pour ceux qui sont collectionneurs qui nous écoutent, là, va te chercher ça, mon gars. C'est vraiment excellent. Ou ma fille. Oh, ben, je pense que c'est tout pour le bloc numéro 3, n'est-ce pas? Ouais. Excusez, j'ai vraiment... Ben, c'est parce que y a pas de problème. Ça fait longtemps que j'avais pas parlé de Star Wars. C'est une bonne série quand même. Puis, Colin, je trouve que... On en parle pas assez. Ben, Square Enix en parle pas assez. Tu sais, c'est pas pour rien qu'on vous fait un hommage de... Ah oui, ben c'est ça. De Secret of Mana. On en fait un, parce que les autres, ils en font pas. Ces séries-là, on dirait qu'ils sont oubliés. Je sais pas. À l'heure qu'on se parle, du moins, ils en parlent pas. Fait que... Anyway, on se fait un recap. Ouais. Donc, vous allez écouter en première position Top Gear 3000, la chanson titre. Après ça, on a Super Smash Bros. Brawl, Luigi's Mansion. Et on a Star Ocean, Till the End of Time, The Desolated Smell of Heart. Ouais. Dans tes oreilles. quatrième. De retour pour le quatrième bloc. Oui. Exact. Bon. Hey, moi, regarde, personnellement, ça, c'est mon bloc préféré, là. Honnêtement, là, mec, je me réécoute dans le podcast, je vais avoir crissement hâte d'être au bloc 4 parce que c'est trois excellentes tunes. Hein? Vraiment pas. En numéro 1, on a Sokaiji puis Firewire. Vous aimeriez tellement ça que je dise tous les compositeurs des musiques. Hein. Et comme vous pouvez le voir, on le fait plus. Puis c'est pas grave. C'est bien correct de même. Hein? Ça dépend à quel. Là. Mettons, si c'est quelque chose pendant nos bureaux, on va peut-être le dire. Ouais, ben quand. C'est celui-là qui s'appelle. Justement, les. Ben, Platine, pardon, je vous en prie. Tu sais, mettons qu'il y en a un qui s'appelle Wang Sun Chan Moto Saka. Oh, c'est encore lisse, là. Mais, mec, qu'on fasse un spécial, justement, comme lui de Secret of Mana qu'on va faire. Ben oui, moi, je trouve que ça vaut la peine de mentionner les compositeurs, le nom des compositeurs. Parce que pour moi, c'est important. Tu sais, c'est des gars qui ils ont marqué ma vie avec cette musique-là. Bref, en tout cas, Sokaiji Firewire. Man, je ne connaissais pas ce jeu. Et je sais même pas de quoi a de l'air ce jeu. Bah, d'après ce que j'ai vu, c'est un RPG. Ouais. Puis c'est, je pense que c'était exclusif là, au Japon. Au Japon. Ouais. Ben, du monde comme Termin Arcade, qui est d'ailleurs, que je vous conseille fortement d'aller voir ses vidéos. C'est un gars, dans le fond, qui lui achète beaucoup de jeux très, très, très underground. Tu sais, tu le vois dans une vidéo en train d'unboxer ces 98 000 jeux que je connais pas un vierge. Entre autres, parce que c'est tous des shooters. Mais pas des shooters genre Call of Duty, mais plutôt des shmups. C'est pas québécois. Ben ouais, c'est un Québécois. Puis d'ailleurs, je le salue, je pense qu'il nous écoute. Écoutes pas, ben écoute, des cerises sont rouges. Donc, il n'y a pas. Des belles cerises. Hey, c'est fait par, le pire, c'est que c'est publié par Square. Ça a été fait par Yuku, dans la fin de la main. Yuku? Mais la toune, Astis qui est bonne. Astis qui est bonne. Elle est tellement bonne, Astis, là. Mais ouais, vraiment, c'était cœur. Elle est vraiment cœur. Ouais. C'est un style un peu oriental là, qui est très unique en son genre. Ouais, c'est typiquement JRPG. Ouais. Puis c'est quoi de le dire, ça sortit juste au Japon. Donc, un peu plus talent, ça, par exemple, les RPG. Je veux dire, pour les collectionneurs qui achètent ça, je me demande comment vous faites vraiment, tu sais, pour jouer à des RPG, des plateformables, des shmups, ça va. Mais même pour des RPG, là, tu gosses longtemps. Ouais, c'est ça. Je me demande peut-être qu'il y a des versions traduites ou bien. Probablement. Ou si t'es capable d'installer, je sais pas. Si c'est un jeu de Play 1, à la limite, non seulement faut que t'aies la machine pour le faire lire, mais. Moi, j'ai été chanceux avec ça. C'est comme l'été du trône. Ouais. Ouais. J'ai le jeu original en japonais, mais la chip est changée, elle est traduite. Ouais, t'es avec la capacité de jouer à 3. Ouais. Ça, je suis vraiment content de l'avoir. Ouais, puis probablement que ça doit être une version traduite sur un émulateur qu'il y avait. Là, c'est plate, là, mais probablement que c'est pas grave. Mais regarde, je le sais que c'est pas mal la même affaire. Anyway. Moi, je le joue. Le pire, c'est que je le joue en français, ce jeu-là. J'ai été surpris de voir les traductions anglaises. Ils sont quand même très, très, très fidèles. Mm. Alors, gars, bref. Next. Ouais, Firewire. Ensuite. Alors, on a le Silver Surfer. Bien entendu. C'est le niveau 1. Eh oui, ben. Faut rester quand même fidèle à notre origine. Oui, faut le spécifier. Pas de char qui vole, mais. Ben, lui, il vole quand même. C'est pas des chars qui volent, mais lui, il vole. Ça et ça vole pas haut non plus, parce que ce jeu-là a de l'air dur en petit papier. Je sais pas si t'as vu ça. Il est pas de l'air facile, mais la toune, c'est. C'est n'importe quoi. Ça a aucun sens. J'avais jamais entendu parler de ce jeu-là. Autant, c'est ça. Les jeux qui sont mauvais, qui ont des bonnes tounes, on aime ça. Mais boy, que je te jure, il a fallu qu'on aille checker sur YouTube. Je fais comme, non, je te crée pas, ça se peut pas que ce soit ça. Ah, c'est du net. Vous allez voir, vous allez l'entendre, vous allez comme faire, prêt. Ouais, ça claque en esti. C'est fou, là. C'est cette tune-là, je pense que je vais en proposer à Johnny Atmos. S'il fait ça, je pense que je me vais le vénérer. C'est clair. Ouais, Johnny Atmos, celui qui fait, qui a fait entre autres le medley de Mario RPG Metal, qui est revenu dernièrement, puis je suis tellement content. Sérieusement, une toune à découvrir. Je sais pas pour le reste de soundtrack. Le jeu, il est carrément pas à découvrir, OK? Si vous êtes un collectionneur, vous l'avez dans votre, tu sais, dans votre bibliothèque, rien que parce que vous l'avez. Mais vous ferez jamais une scène avec ça, puis je pense pas que ce jeu-là doit se vendre très cher parce que c'est vraiment de la merde. J'ai même pas besoin de le jouer pour savoir. Bon, des fois, ça va être de la rareté. Des fois, il y a des jeux que c'est de la merde, mais il y a à faire aussi. Mais ce qui arrive, c'est que, tu sais, quand tu joues à ce jeu-là, c'est que tu peux rien toucher sans crever. Quand tu vois que tu crèves, t'as comme le Silver Surfer qui est couché sur sa planche comme voulant dire je te demande. Sérieusement, c'est comme come on là, je veux dire, ils ont même pas essayé. Imagine un schmop que tu peux même pas toucher, tu sais, les images en background, que tu vois une montagne puis claque, tu meurs. C'est comme hey, voyons donc déjà que les bullet hell, ça c'est dur de d'éviter les balles, commencera pas en plus à éviter background. Il y en a, ouais. Mais c'est intégré de manière voulue, puis ça a du sens, puis la difficulté, ben, c'est pas nécessairement. Ça te fait sacrer, mais en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. Parce que là, c'était. Ah non, c'est comme juste. Tu peux rien toucher, man. Un coin de mur te tue. C'est une particule de poussière, franchement. T'es le Silver Surfer, là. T'es pas mon voisin d'en haut, là. Voyons. Bon, c'est peut-être son frère faible, je sais pas. Hein. Ah, dans le fond, c'est pas vraiment c'est Silver Surfer. C'est sûrement pas le Silver Surfer que j'ai connu dans le Quête Fantastique. C'est clair que non. Allez, gars. Bon, qu'avons-nous en troisième? Hey, on a Sky of Arcadia, Kingdom of Xataka. Je sais pas si je le dis comme faux, mais boy! Ok, non, guys, c'est mon coup de cœur. Ça, de tous les blocs, c'est pour ça que je vous dis que ce bloc-là, je l'adore. Cette toune-là en particulier m'a donné des frissons. Laissez le poil. C'est vraiment cœur. Ok, je sais pas s'il y a des fans de Skies of Arcadia qui nous écoutent, mais honnêtement, ça donne le goût de jouer à jeu. C'est au Dreamcast. Ouais. En passant. C'est au Dreamcast. Ouais. C'est wow. C'est bon, hein? J'ai entendu beaucoup de... Le pire, c'est que j'ai entendu beaucoup de bons commentaires sur le jeu en tant que tel, vraiment. T'as sûrement pas, jamais joué? Non, jamais joué. J'ai déjà eu une Dreamcast, parce qu'en fait, c'est mon frère qui en avait une, mais j'ai pas joué à beaucoup de jeux Dreamcast à part de Dora Life et Sonic. Non, il a l'air d'avoir des bons jeux Dreamcast, honnêtement. La bibliothèque avait vraiment, du moins, l'air variée. Puis, tu sais, pour ceux qui veulent avoir un bon RPG, bon JRPG, je suis pas mal sûr qu'il doit être bon. Et si je me trompe pas, Skies of Arcadia avait sorti. Je te dis ça, mais je sais pas s'ils l'ont porté sur GameCube. Okay. Il faudrait regarder, on n'a pas fait nos devoirs, on est désolé, on n'est pas fiers que ce que je vous dis. Mais me semble donc qu'il avait été porté sur GameCube, puis s'il a été porté sur GameCube, honnêtement, je veux ça parce que waouh, c'est vraiment c'est très, là, très, une très ambiance château-esque, justement Kingdom, avec tous les violons, tout ce qu'ils ont ajouté là-dedans, puis la chanson quand même longue, mais complète. T'sais, elle va s'écouter toute d'une traite. Puis à la fin, elle fait comme se répéter, puis c'est tout bien orchestré. Ah, oh, c'est du bonbon. C'est vraiment, vraiment très excellent. Et c'est ce qui complète le dernier bloc de ce podcast. Alors, on va se faire un recapitulation. Yeah. En première position, nous avons Sokaiji Firewire. Ça, on a Silver Surfer Level 1. En passant, Sokaiji Firewire, c'est pas un mot, c'est vraiment Sokaiji, slash, la tune s'appelle Firewire. Et après ça, on a Silver Surfer ONES du premier niveau, évidemment. Après ça, on a Skies of Arcadia, Kingdom of Xataka. Yes, bonne écoute. Mais... Et ça se termine comme cela. Conclusion. Merci beaucoup d'avoir écouté. Hey, Adam, merci d'avoir été là encore une fois. Ben, ça fait plaisir, ça, pour moi. Yes, et on va se revoir la semaine prochaine. On va essayer d'être plus régulier maintenant. On va essayer. C'est vrai qu'on a de la misère. On va essayer d'enregistrer aux deux semaines pour vous donner du contenu de qualité encore une fois. Mm. Et là, j'essaie de faire une promesse. J'essaie de, là, tu sais, là, on va le faire dans deux semaines. On va enregistrer le spécial 20e anniversaire du premier Secret of Mana. Et ainsi donc, parler de toute la série. Donc, manquez pas ça. C'est un rendez-vous que vous voulez pas manquer. Je veux pas manquer, normal, parce que c'est moi qui le fais, puis toi aussi. Non, oui. Oui. Fait que c'est ça. T'avais-tu d'autres choses à dire pour la fin? Non. C'est bon. Ben, merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde d'avoir été là. Yes, bye-bye. Salut, à la prochaine. Là. Salut. Yourself grown old and weak.